La voie de droite est une voie d'accélération, réponse A. Une voie pour les véhicules lents, réponse B. Une bande d'arrêt d'urgence, réponse C.